Ensuite, je me suis dirigé vers Samarcande, l'une des villes les plus grandes et les plus belles du monde. Elle se dresse sur la rive d'une rivière nommée Al-Qasri, dont l'eau sert à irriguer des vergers. En fin de journée, les gens sortent pour faire une promenade au bord de la rivière, le long d'une avenue avec des bancs, des sièges, des postes où l'on vend des fruits et toutes sortes d'aliments. En d'autres temps, les palais et autres magnifiques édifices bordaient la rivière, reflétant l'esprit raffiné des habitants. Mais maintenant, la majeure partie de ces constructions se retrouve en ruine, après que la ville ait été dévastée. Il ne reste rien des murailles, ni des portes à l'intérieur de la ville. Les terrains cultivés abondent. Les gens de Samarcande, par ailleurs, se distinguent par leur générosité et leur gentillesse envers les étrangers.